Tu crois qu'on est malade? Mais t'es con, quoi? Stuart, regarde n'importe où dans le monde, y a plus de loin. La Nouvelle-Orléans, les gens ne savent que foutre la merde. Tu sais déjà ce que tu vas faire, toi ?